Le 23 juin, le Palais de la culture du peuple à Pyongyang a abrité le séminaire au niveau central pour l'assimilation et l'application parfaite des idées et lignes précisées par le maréchal Kim Jong-un dans son rapport du 7e congrès du Parti du travail de Corée. Y ont participé Kim Gi-nam et autres cadres responsables du parti et du cabinet, les hommes des organismes du parti, du pouvoir, des formations des travailleurs, des établissements de la science, de l'enseignement, de la littérature et des arts, de la presse écrite et parlée, du secteur des hauts faits révolutionnaires et de la formation des permanents du parti du niveau central et de la ville de Pyongyang. Les orateurs ont qualifié le rapport historique du maréchal de grand programme qui a éclairé intégralement les lignes révolutionnaires scientifiques garantissant la brillante victoire de l'œuvre révolutionnaire Choche et Sun Kun. Ils ont appelé l'ensemble des cadres, des militants du parti et des travailleurs à soutenir les idées et lignes précisées par le maréchal dans son rapport du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et à sortir vainqueur honorable de la marche générale pour ouvrir la période de prospérité et de l'édification d'une puissance socialiste.